Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal de ce jeudi 16 février 2017 et c'est l'édition de la soirée. En voici les grandes articulations. Le gouvernement du Burundi n'a pas envoyé de représentants à la session de dialogue inter-burundais en cours depuis ce jeudi 16 février. Il récuse la présence de certaines personnalités burundaises et même étrangères dans ses assises. Les explications sont données par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le vice-président du parti Frodebou, Léonce Ngendakoumana, qui a fait le déplacement à Arusha, déplore ce qu'il appelle le mauvais choix. Alors que le patron du FNL, Jacques Bigirimana, souhaite un engagement sans faux fuyant de tous les protagonistes dans le dialogue. Ils l'ont dit au micro de notre envoyé spécial Joseph Sawiyabandi. Il sera en ligne dès le début de cette édition. Un des défis constatés par l'Assemblée nationale, ce sont les effectifs des étudiants qui ont diminué dans certaines universités du Burundi. Vous aurez compris que nous parlons éducation nationale. Explication donnée par la présidente de la commission en charge de l'éducation, la pauvreté qui touche presque tous les partenaires, mais aussi les manifestations qui ont eu lieu dans la capitale Bujumbura l'année dernière. Entre-temps, les étudiants de l'Université du Burundi craignent l'imminence de la suppression de la restauration vu que l'on exige désormais aux externes de demander une chambre, moyen à paiement de 5 000 francs bout par mois. Le directeur de la régie des œuvres universitaires interviendra à ce sujet. Et l'impôt locatif est désormais collecté par l'Office burundais des recettes depuis janvier et le délai de déclaration et de paiement de cet impôt va jusqu'au 31 mars. Vous en saurez davantage avec les éclairages du commissaire général de l'OBR. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Les négociations pour résoudre la crise au Burundi ont repris ce jeudi à Arusha, en Tanzanie, sous la facilitation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. En tout cas, des délégations sont là, l'assainissement du climat politique, la restauration de l'économie et le retour des exilés politiques. Voilà les points saillants à l'agenda de cette session qui durera trois jours. Correspondance de notre envoyé spécial à Arusha, Joseph Sabiyabandi. Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life and to start off. Bien, j'espère que nous allons assainir le climat politique et voir comment restaurer l'économie en rétablissant les relations, surtout dans les secteurs où les sanctions ont été prises par la communauté internationale, et voir comment les réfugiés et les politiciens en exil puissent rentrer. Ce sont là certains points qui vont faire objet de dialogues tels que le facilitateur Benjamin Mkapa avant de s'entretenir avec différentes délégations qui sont ici à Arusha. Jusque dans la mi-journée, les participants continuaient à arriver sur le lieu de la rencontre. Parmi ceux qui étaient déjà arrivés, Pierre Buyoya, Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye, tous anciens présidents de la République du Burundi. Les autres participants qui étaient déjà arrivés sont les membres du Sénared, dont Léonard Nyangoma et puis Navio Hanyuma. Il y avait aussi Gwasa Agaton, Léon Sengendakoumana, Abel Gachati, Bernard Boussokoza, pour ne citer que ceux-là. Cependant, les représentants du gouvernement n'étaient pas encore arrivés, de quoi le vice-président du parti Sawanya Frodebou s'indigne. De toute façon, si aujourd'hui il y a un qui s'absente, demain un autre qui s'absente, on ne va pas quand même abandonner le processus de paix et de réconciliation. Et on prend acte de cette mauvaise foi et on continue. Mais d'ores et déjà, si je regarde la liste, c'est quand même un peu prometteur. De son côté, Jacques Bigirimana du FNL a promis avant d'entrer dans la salle qu'il va demander aux facilitateurs de pousser les protagonistes à s'engager sans fond fuyant dans le dialogue. Ça devrait nous amener à un consensus. Ça devrait vraiment nous amener à un consensus. Il fallait que les protagonistes commencent à se chercher pour s'asseoir, pour dialoguer, pour causer en dehors des micros, en dehors de la communauté nationale, en dehors de la facilitation. Parce que nous sommes Burundais, nous partageons notre patrie. Il n'y a pas un demi-Burundais. Il n'y a pas un four burundais. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il faut commencer à se chercher, à se parler. C'est vraiment idéal. On peut être ennemi aujourd'hui et devenir un grand ami demain. Il n'y a pas d'ennemi éternel, comme il n'y a pas d'ami éternel. Quand on est en train de chercher la paix n'a pas de prix. S'il vous plaît, il faut que les gens du pouvoir commencent à chercher leurs confrères, très discrètement même, et se mettre ensemble et discuter. Et c'est à partir de cela que les réfugiés pourront bien rentrer. Sinon, ils ont peur de rentrer. Il faut que le gouvernement leur dise la réalité de ce qui se passe au Burundi pour qu'ils puissent revenir. Sans dialogue, sans communication, vraiment, on ne va pas trouver de solution. C'est ça ce que je vais proposer aux médiateurs. C'est ça ma conviction. À Arusha, il n'y a pas que des acteurs qui ont été invités. Il y a aussi ceux qui n'ont pas reçu de l'invitation, mais qui se sont déplacés jusqu'ici. Parmi eux, les femmes dont Vestine Mbundagu, qui indiquent être venues réclamer la participation des femmes dans le dialogue du début à la fin, car, explique-t-elle, elles sont les plus touchées par les crises. Les autres qui ont fait ce déplacement, ce sont ceux qui se nomment Swahili. Et ils ont manifesté en réclamant la reconnaissance des Swahili comme ethnie au Burundi et leur participation dans le dialogue, car, disaient-ils, ils ont la contribution à donner. Depuis Arusha, Joseph Sabiabandi pour le compte de la radio Isanganiro. Merci Joseph. Et le gouvernement burundais a déclaré qu'il ne sera pas représenté lors de cette session de dialogue inter-burundais prévue à Arusha en Tanzanie du 16 au 18 février. Argument avancé selon un communiqué sorti hier mercredi. Il y a des personnalités invitées alors qu'elles sont recherchées par la justice burundaise. Mais aussi Bujumbura a déjà récusé un certain Jamal Ben Omar, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui lui aussi figure sur la liste des invités. Suivez à son propos Philippe Enzo Bonariba, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Tout en se félicitant de l'évolution appréciable du processus piloté par le facilitateur William Kappa, le gouvernement de la République du Burundi trouve qu'il y a certaines irrégularités au niveau de l'organisation de la présente session et qui s'écartent de l'habituel esprit de concertation pour ce qui concerne l'établissement de la liste des invités ainsi que l'ordre du jour de la session. Ainsi, la présence des acteurs violents, notamment des putschistes, recherchés par la justice parmi les éventuels invités, empiète sur la souveraineté de la République du Burundi et des lois qui régissent le pays, notamment la loi sur les partis politiques. Par ailleurs, la présence présumée de certaines personnalités dans cette session, notamment M. Jamal Ben Omar, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a été récusé par le gouvernement de la République du Burundi et de son dernier, attend le remplacement, ne garantit pas la sérénité des travaux de cette session. Par voie de conséquence, le gouvernement du Burundi a décidé de ne pas envoyer de délégués à Arusha dans la session du 16 au 18 février 2017. Certes, les Burundais ont besoin de la solidarité internationale, mais ils doivent jouir de leur droit le plus absolu d'être respectés dans leurs choix et dans la conduite d'un processus de dialogue qui est le leur à part entière. Le gouvernement de la République du Burundi réaffirme son engagement à soutenir et à promouvoir la culture du dialogue, la lutte contre l'impunité et la préservation de la souveraineté nationale. À cet égard, le gouvernement se réjouit de l'étape franchi par le processus de dialogue intérieur et dénonce toute démarche qui viendrait remettre en cause les résultats du consensus enregistré à ce jour. Philippe Nzobonariba et la Commission nationale de dialogue inter-burundais a rencontré les journalistes des différents médias ce jeudi dans la suite des activités de cette commission. Leurs avis et considérations seront pris en compte dans le rapport final qui sera présenté au président de la République selon le député Félicien Ndou Burundi, membre de la CNDI. Pour lui, la contribution des journalistes n'est pas à négliger, étant donné qu'ils sont placés dans la catégorie des intellectuels qui suivent au quotidien tout ce qui se passe dans le pays. Le groupe de journalistes faisait partie des différents groupes que la commission devrait rencontrer. Alors, c'est une continuité des activités qui étaient programmées par la commission. On n'a pas encore collecté toutes les idées qui ont été émises. Mais pour peu de gens qui ont émis leurs idées, on peut relever quelques nouvelles idées qui n'ont pas été relevées ailleurs dans les provinces ou dans les communes, notamment l'amnistie générale. Ça a été dit ici. Je me souviens également dans la commune de Wuyengero, cette idée a été émise. Bon, il y a également fait le diagnostic des vrais problèmes des Burundais ou du Burundi, ainsi de suite. Je vous demande de nous accorder un petit temps pour qu'on puisse collecter toutes ces idées. Vous verrez toutes ces idées dans un rapport définitif qui sera donné publiquement à la fin du mois d'avril. Le groupe de journalistes, ce n'est pas un groupe moindre. Les journalistes sont déjà instruits, intellectuels, qui suivent du jour au jour la vie du pays. Ça doit faire une très grande contribution. Voilà, c'était le député Félicien Ndouou Burundi, membre de la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais. Et pour revenir sur ce qui se passe à Arusha, au cours de la première journée de la reprise du dialogue à Arusha, seulement deux groupes ont été entendus par le facilitateur Mkapa, et dont les anciens chefs d'État, l'ombudsman burundais et jusqu'à présent la délégation du parti au pouvoir. Reste attendu. Je viens de l'apprendre à l'instant même, en même temps que vous. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les effectifs des étudiants ont diminué au sein de certaines universités dans le pays. C'est du moins un des défis constatés par l'Assemblée nationale à travers sa commission et en charge des questions liées à l'éducation. Parmi les causes, selon la présidente de la commission, figure la pauvreté qui touche presque tous les partenaires, mais aussi les manifestations qui ont eu lieu dans la capitale Bujumbura l'année dernière. Léonce Vitaliou. La visite en décembre de la commission permanente à l'Assemblée nationale à travers différentes universités s'inscrivait dans le cadre de voir l'état des lieux de la mise en application de nouvelles réformes d'enseignement supérieur. Le manque d'enseignants à temps plein, surtout dans les universités privées, le manque de matériel pour les laboratoires et ou bibliothèques, etc. sont les uns des défis rencontrés. À part ça, la pauvreté est aussi un autre handicap qui pousse même certains étudiants à abandonner, selon la présidente de la commission, Glorieuse Nimenya. La pauvreté qui s'observe dans le pays a entraîné beaucoup d'abandon au cours des trois dernières années académiques. Toutes les universités visitées connaissent des effectifs inférieurs à leur capacité d'accueil, de telle manière que certaines facultés ont arrêté temporairement les cours. Il n'y a pas que la pauvreté. Certains étudiants ont abandonné l'école suite à la perturbation de la sécurité en 2015, surtout dans la capitale Bujumbura. Affirmation de Pascal Nyabenda, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement burundais. C'est le cas pour l'Université Espoir d'Afrique qui est érigée en Gagara. Ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir son emplacement et parallèlement, les manifestations qui étaient opérées à Mutakura, Chibitoke et Ngagara. Ça a fait que des étudiants abandonnent carrément parce que c'était difficile. Et puis aussi, beaucoup d'universités ont dû diminuer les heures de cours le soir. Ces abandons doivent nécessairement affecter la vie de ces institutions universitaires car c'est de cela même qu'elles tirent une bonne partie de frais de fonctionnement. Après la présentation du rapport de la commission éducation mercredi, l'Assemblée nationale compte inviter la ministre de l'Éducation nationale pour apporter de la lumière sur certains points. Merci Léon. On reste à l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, certains étudiants de l'Université du Burundi manifestent leurs inquiétudes par rapport au communiqué de la Régie des œuvres universitaires. Un communiqué du 9 février appelant les étudiants externes à demander une chambre moyenne un paiement de 5 000 francs burundais par mois, et cela sans restauration. Et c'est ça qui inquiète. Le représentant des délégués estime que cette mesure serait une manière de supprimer la restauration. Suivez Patience Mbonawucha, c'est le représentant de l'organe des délégués généraux. Nos inquiétudes, c'est qu'on va annuler la restauration de l'Université du Burundi, c'est-à-dire on va donner logement sans nourriture, sans manger. Pour avoir les chambres, on obtient la chambre selon le mérite. Par exemple, si on a obtenu une bonne note dans les cours, on a droit d'avoir la chambre. Si on est le chef des autres, mais jusqu'à aujourd'hui, cela, ça ne fait rien. Nous voyons qu'il y a quelque chose comme la privatisation de restauration via des homes universitaires. Nous voyons aussi qu'on va annuler la restauration de l'Université du Burundi. Nous nous adressons à monsieur le directeur de la Régie des œuvres universitaires qu'il est mieux de réviser cette décision et même annuler cette décision parce que ce n'est pas favorable aux étudiants de l'Université du Burundi. Voilà, c'était un étudiant de l'Université du Burundi. Réponse du directeur de la Régie des œuvres universitaires qui dit que cette décision a été dictée par la disponibilité des chambres restées inoccupées. Anatole Zinahora précise que l'Université du Burundi est pour le moment capable de loger et nourrir 3 000 étudiants seulement, alors qu'auparavant le chiffre atteignait 4 000. Il ajoute que les frais exigés sont pour le paiement de certains services en ce qui concerne les chambres qui étaient inoccupées. Anatole Zinahora, c'est le directeur de la Régie des œuvres universitaires. Il était au téléphone avec Alain Désiré Boukéenez. Ce nouveau système vient s'ajouter au système actuel d'attribution des logements. Il y a 3000 étudiants qui sont logés et nourris, qui sont choisis sur le critère de mérite académique. Et deuxièmement, il y a d'autres étudiants qui sont déclarés par leurs collègues. Parmi les 3000, donc, peuvent déclarer d'autres camarades pour les loger sur demande, moyennant paiement d'un certain montant pour l'entretien de ces chambres. Comme on loge officiellement 3000 étudiants et que nous sommes limités par les moyens, vous comprenez qu'il y a des places de logement qui restent parce qu'avant on logeait autour de 4000 étudiants. Et dans ces jours, nous enregistrons beaucoup de demandes d'étudiants externes qui veulent un logement. Nous avons dit que si on attribuait ces chambres, ces places qui restent dans le logement, mais sans attribuer le quartier de restauration, mais à ceux qui le veulent et qui ne le demandent pas à écrit. Pourquoi ce paiement de 5000 francs? Celui qui veut loger quelqu'un, il paye pour lui déjà un montant. Ça, c'est déjà fonctionné depuis plus de 3 ans. Maintenant, celui qui veut un logement sans une carte de restauration, vous comprendrez qu'il y aura des dépenses relatives à ce logement, notamment l'entretien de la chambre et le coût des produits de la régie des eaux, etc. Les étudiants s'inquiètent si ce ne serait pas l'intention de supprimer progressivement la restauration à l'Université du Burundi. Quelle est votre réponse? Loin de là. Quand j'ai libéré le communiqué, j'ai dit en plus du système actuel d'attribution de logement, c'est le critère de mérite. Ce nouveau système sera facilité à celui qui le veut. Sinon, le système de restauration restera en vigueur. C'était le directeur de la régie des œuvres universitaires, Anatole Nzinahura. Les deux tiers de la zone d'extension du centre d'épuration des eaux usées de Buterere sont construits illégalement, selon le président de la commission de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à l'Assemblée nationale. Bernard Ndayisenga l'a souligné ce jeudi lors de la présentation d'un rapport de descente de cette commission. Ce parlementaire a en outre précisé que 3 groupes attribuent des parcelles dans cette zone, dont un groupe qui fait peur, selon ses mots. Cette commission recommande que ces constructions s'arrêtent sur ce seul centre que compte le pays. Suivez Bernard Ndayisenga. Le centre d'éducation de Buterere, à Ligo, la zone d'extension, il faut qu'on va une zone d'extension à Ligo, de 300 mètres. Sur ce centre d'épuration des eaux usées de Buterere, il y a une zone d'extension évoquée ici. Cette zone est sur 300 mètres de longueur et la largeur de ses bassins. À l'heure actuelle, des maisons sont construites sur des tiers de l'espace. Moi, j'ai eu la chance de visiter ces maisons en compagnie des membres du conseil communal de Nahangwa ainsi qu'avec d'autres députés. Nous avons trouvé qu'il y a 3 groupes qui octroient des parcelles. Il y a un groupe qui fait peur qui n'est pas connu. Le chef de ce groupe était là. Surtout, il avait l'argent d'une veuve. À ce moment, nous avons demandé au chef de zone Buterere comment il peut laisser une telle chose et vendre des parcelles comme ils veulent. Et l'administration nous dit mot. Puis, il y a l'urbanisme qui octroie les parcelles, bien que construites illégalement. Il faut mettre fin à cela. Une autre chose, vous voyez que la ville s'élargit au jour le jour. Ce centre de Buterere était le seul pour accueillir tous les déchets provenant de la mairie de Bujumbura. En amont de cette zone d'extension, des maisons y ont été érigées. Et en aval, on est en train de viabiliser pour ces parcelles. Où est-ce qu'on mettra bientôt les saletés? Dans la suite de ce journal, à partir du mois de janvier, la loi budgétaire confère à l'Office burundais des recettes le pouvoir de collecter l'impôt locatif. Cela a été dit par le commissaire général de l'OBR ce jeudi. C'était lors d'une réunion organisée à l'intention des administratifs de la mairie. Léonard Senore fait savoir que le délai de déclaration et de paiement de cet impôt va jusqu'au 31 mars. Suivez-le. À propos du paiement de l'impôt sur le revenu locatif, à partir du mois de janvier, la loi budgétaire confère à l'Office burundais des recettes le pouvoir de collecter l'impôt locatif pour faire un bon suivi de tous ces contribuables. Il est souhaitable que chaque contribuable ait son numéro d'identification fiscale. Puisque le gouvernement nous a confié cette tâche, c'est qu'il a vu que l'Office burundais des recettes avait les capacités d'abord, l'expertise, pour pouvoir faire efficacement son travail. Et nous n'allons pas utiliser directement le personnel de la mairie de Bujumbura. Nous allons d'abord utiliser les moyens à notre disposition. Déjà, nous pouvons nous baser sur les statistiques ou les listes qui sont disponibles à la mairie d'Bujumbura. C'est ça le point de départ. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est en fait la fiabilité des données qui nous sont transmises. Mais c'est une liste donc qui va être dynamique. Mais nous pensons que d'ici quelques mois, nous aurons arrêté la liste définitive. Mais en attendant, il y a ces délais légaux qui sont prévus dans la loi. La déclaration de paiement de cet impôt, c'est jusqu'au 31 mars. Ces délais s'imposent à tout le monde. Celui qui va aller au-delà de ces délais, il se verra appliquer des pénalités de retard. Quelques nouvelles brèves des provinces pour terminer ce journal. Un homme accusé d'avoir donné de la drogue à ceux qui gardaient la COPEC Gitega pour qu'un vol de plus de 60 millions de francs burundais soit commis a été arrêté ce mercredi soir au quartier Charama à Bujumbura. La police dit l'avoir interpellé avec une somme de 3 millions de francs bou et se dit rassuré de pouvoir démanteler tout le réseau. Il y a 2 semaines que ce cambriolage a eu lieu et 2 policiers ainsi que le veilleur de la COPEC Gitega sont au cachot de la police depuis leur sortie d'un long sommeil causé par cette drogue. Un maître responsable à l'école fondamentale de Kitanga en commune et province de Bubanza a été arrêté ce mercredi soir et il est détenu au cachot de police judiciaire de Bubanza. Kwizera Bernard est accusé d'avoir détourné de l'or équivalent à 2 millions de francs burundais, une somme d'argent de 500 000 francs burundais qui appartenait à un motard qui a été tabassé à cette école ce mardi. C'était lors d'une bagarre éclatée à cette même école, selon les témoins sur place à Kitanga. Les collègues de Kwizera Bernard démentissent toutes ces allégations et précisent que ce n'est qu'un montage. Enfin, certains habitants de la ville de Lumonge et des environs dénoncent le favoritisme dans le recensement des postes téléviseurs nécessitant un décodeur pour fonctionner dans le numérique. Pour certains, les membres du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi ont été prioritaires et d'autres n'en sont même pas au courant. L'administrateur communal de Lumonge dit que tout le monde a été informé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.